Come, tell us. فنحمد الله عز وجل على أن يسر لنا فتح هذا الكتاب. فبالعلم النافع يعني يهتدى أو بالعلم النافع يتقوى إيمان الشخص وكذلك معاملته مع الناس وخصوصا بين الزوجين. Avec la science utile, non seulement la foi elle augmente, mais en plus les relations, le relationnel de la personne avec les personnes de son entourage sont encore mieux. خصوصاً بين الزوجين, et encore plus entre l'homme et son épouse. نعم. فمثل هذه الكتب يعني جدير بالعناية. Ce genre de livre là, c'est vraiment des livres, subhanallah, que la communauté devrait يعني avoir une attention particulière sur ce genre de livres. Les livres qui concernent les règles relatives aux femmes. نعم. فكم يجهل الناس من أحكام النساء. Combien de règles les hommes ignorent sur les règles juridiques relatives aux femmes. كنا في أحكام النساء أحكام الحيض. On était sur le chapitre des menstrues. كم combien de مسائل ربما ما يعرفونها العوام. نعم. Et si ce n'était pas par défaut de temps, on aurait demandé à notre frère Sofiane de nous faire un résumé. نعم. نعم. لكن الخير حاصل. فاحمدوا واشكروا الله عز وجل. عسى أن الله سبحانه وتعالى يكرمكم بزيادة منه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Donc remercier Allah عز وجل sur ses bienfaits. Il se peut qu'Allah سبحانه وتعالى vous rajoute. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, et certes, Allah a annoncé que celui qui le remercie, Allah lui rajoutera. Donc avant de continuer dans les taboubats, dans les chapitres qu'on a, dans lesquels on est, sur le kitab Salah, il y a une mas'ala qu'on a évoquée la semaine dernière, de par le biais de notre frère Abu Hind, qui a suscité qu'on approfondisse un peu plus. Parce que certaines personnes, surtout parmi les sœurs, certaines personnes ont demandé un approfondissement sur la mas'ala siyaqatu al-mar'a ou qiyadatu al-mar'a lis-sayyar. Donc il y a des sœurs qui ont demandé qu'on approfondisse sur la mas'ala, est-ce que la femme a le droit de conduire une voiture ou non. نعم. ونحن ماذا قلنا في الأسبوع القادمة؟ Et on avait dit quoi la semaine dernière? يا أبا هند. Que c'est pas le fait en lui-même qui a conduit ce qui est interdit, mais c'est pour éviter le mal que ça peut engendrer. Voilà. Parmi les choses qu'on avait évoquées, le fait que c'est pas le fait qu'elle touche le volant, qu'elle le tourne à droite, à gauche, qu'elle tourne le clignotant, qu'elle appuie là sur le bouton, quoi, qui est haram en soi. Mais le fait, les savants qu'ils ont vu que c'était haram, ils ont vu que c'était haram pour tout ce que ça va enjoindre, tout ce que ça va engendrer plutôt. Tout ce que ça va engendrer. Comme ma facette. Et parmi les choses que qu'on m'a évoqué dans une question, pourquoi j'ai choisi l'avis que c'est haram en basant sur des « il se peut ». نعم. فكما تقدم كما on l'a vu le din il est basé sur الكتاب والسنة. تمام. وon prend du kitab et de la sunna certaines règles. C'est pas nous qui faisons ces règles, mais c'est les ulémas. Et parmi ces règles là il y a la règle qu'on a vue, sadd al-dara'i' al-mufdiya ila mafsadatin. Le fait de couper court à un chemin qui mène à une perversion. Tamam. Et ça, c'est pas le fait de dire qu'on rend une chose haram à cause des si, à cause des... Non. Mais nous, on rend une chose, c'est-à-dire on t'interdit cette chose-là parce qu'on sait que derrière tout ça, il y a des adras, des méfaits qui sont presque quasi obligatoires d'arriver. Ça va ? Hadashi. Deuxièmement, le fait de dire que on a interdit une chose parce que pour des si. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a interdit que l'on serre la main d'une femme. En soi, la main, ma fille hachée. Une peau contre une peau, ma fille hachée. Tamam ? Il n'y a pas vraiment de... Le mani, il n'est pas là. Il n'est pas dans le fait de toucher la peau de la femme. Non. L'interdiction, elle est dans quoi ? L'interdiction, elle est dans ce que ça peut engendrer comme mal. Tamam ? Aujourd'hui, si une personne, celle qui m'a posé la question, si elle dit qu'elle n'œuvre pas avec les si, on lui dira dans ce cas-là, bah, tu peux serrer la main aux hommes, tu peux yani, te montrer ton visage, tu peux marcher avec faire du bruit avec tes talons. Ah, bien sûr. Puisque le si, là, on a la main à combler. Ah, il se peut que les gens, les hommes, ils soient éprouvés par rapport à ceci ou cela. Ça va ? S'il n'y a pas de il se peut, alors, c'est la porte ouverte à tout. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi ? Pour les femmes, il leur a demandé de ne pas parler d'une voix frivole. Parce que ceci pourrait entraîner la tentation de tout cœur malade. Ça c'est Allah Azza wa Jal. Ma hu nahnu wala ghayruna min al-bashar. Ça c'est Allah Azza wa Jal. Wa huwa a'lamu bil khalqi, a'lamu bi khalqi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît mieux ce qu'il a créé. Na'am. Il y a une qa'ida qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas légiféré une chose si ce n'est qu'il y a dans cette chose-là qu'il a légiféré un bien khalif, un bien pur, ou un bien qui a le dessus sur le méfait qui s'y trouve. Un bien pur comme tawhid, comme le tawhid. Il n'y a aucun méfait dans le tawhid, aucun. Même pas le grain de la tour, il n'y a pas. Vous voyez Mathalan. Ça c'est l'exemple d'un bien pur. Un bien qui prédomine sur la mafsada, un exemple, la hijra. La hijra, le fait que tu délaisses tes proches, que tu sors d'une terre que tu connais. C'est un mafsada, voilà là. C'est un méfait, c'est des méfaits, ça, voilà là. C'est des méfaits. Mais le khair qu'il y a derrière tout ça, il a pris le dessus sur ces méfaits. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il légifère une chose, c'est soit pour un bien pur, ou soit pour un bien qui a le dessus sur les méfaits. Et lorsqu'il interdit une chose, c'est soit pour une chose dont son mal il est pur, la khairati, mettre mal à ce bien. Comme un exemple, un mal pur. Le shirk, pur. Il n'y a pas le moindre atome de bien dans le shirk. Ça va ? Ou dont le mal est supérieur au bienfait qui s'y trouve. Comme exemple, le vin et les yeux d'azard. Naam, le vin et les yeux d'azard. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne légifère pas ou il n'interdit pas une chose sans que il y ait des méfaits dans cette chose-là qui sont purs et simples. Ou sans que les méfaits qui s'y trouvent soient plus forts que les bienfaits. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, je vais évoquer là certaines preuves des gens qui qui sont de l'avis que c'est interdit. Donc on avait évoqué parmi les gens, parmi les savants, ceux qui disent que c'est permis, et on n'a pas trouvé أعظم قدرا وفضلا من هذا العالم الرباني. Parmi ceux qui disent que c'est permis que la femme elle conduise, on n'a pas trouvé une parole plus considérable et plus forte que la parole de cet imam, العالم الرباني الذي هو إيش من شيخ الألباني. شيخ الألباني يفتي بالجواز. شيخ الألباني il est de l'avis que la femme a le droit de conduire. تمام. Sur l'Albanie, il est de l'avis que la femme a le droit de conduire. Et il prend pour dalil principalement le qiyas, le raisonnement. C'est-à-dire que les femmes d'avant, elles montaient sur les ânes. Elles montaient sur des ânes, qui sont des moyens de locomotion. Et les femmes d'aujourd'hui, leurs moyens de locomotion ne sont autres que les voitures. Vous voyez, ça c'était l'avis de Sur l'Albanie. Et je n'ai pas trouvé autre chose, yani, comme Adillah, minhu, غير هذا. C'est pas lui qui dit aussi que le fait qu'elle soit en voiture, elle est moins exposée. Oui, voilà, il dit aussi que le fait qu'elle soit en voiture, elle est moins exposée au regard des gens. Ça va ? Ou effectivement, que le fait quand tu compares un âne, la femme qui est sur l'âne, elle est balise, elle est apparente quand elle est sur l'âne, même si elle a son jilbab, c'est pas un peu. Elle apparente, tandis que quand elle est dans sa voiture, elle est mastoura. Donc Cheikh Al-Albani dit que la femme, quand elle est dans sa voiture, elle est encore plus cachée. Donc si vous permettez que la femme, elle peut monter sur un chameau, ou elle peut monter sur un cheval, ou elle peut monter sur un âne, alors vous devez permettre qu'elle puisse monter en voiture. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Et c'est un avis qui est qawi. C'est un avis qui est fort. C'est un avis qui est fort. D'ailleurs, nous, on n'a pas dit... On n'a pas, à aucun moment on a dit qu'on est de l'avis que c'est haram mutlaqan. On n'a jamais dit que c'était haram mutlaqan. Tamam. Wa li hadha ma nashud. Et c'est pourquoi, yani, mundu atayt ma ansah. Si je connais des frères, par exemple, ils sont de l'avis de Cheikh Al-Albani, je ne sais pas, c'est pas une masala où il y a akhd wa rad. C'est pas une masala où on fait une shidda où j'appuie mon qawl. Si toutefois, c'était avec ses dawabit shar'iyya. Si toutefois, chacun il a pris cette masala avec les dawabit shar'iyya. Tamam. Donc moi, je vois l'avis que c'est haram. Il a kanat bimufradiha. Si la femme elle est toute seule. Si la femme elle est toute seule dans sa voiture, qu'est-ce qu'il y a ? Et on va évoquer les paroles des savants. Et ces savants-là, comme Cheikh Al-Uthaymeen, comme Cheikh Ibn Baz, comme Cheikh Abdelaziz, Al-Mufti, Al-Sheikh, ou Al-Lajnat Al-Da'ima, ou Al-Sheikh Al-Shatri, ou Abdelaziz Al-Rajihi, ou Yani, Unas Kathi. Si ce n'est pas, Yani, la plupart des ulama, ils disent que. Ils sont de l'avis que la femme, yani, ça lui est haram de conduire. Ça va? Et ça aussi, c'est des choses que quand on dit les savants, yakouloun, il ne faut pas considérer le savant comme ana ou ant, ou la kan. Al-alim, yatakallam bil basira. Le savant, il parle avec une basira, une clairvoyance ajib. Un nour min Allah azza wa jalla. Et quand on dit l'avis, de la plupart des savants, ça c'est une parole qui est lourde, c'est le mizan. Bien qu'on ne s'attache pas à la plupart, ben on dit la majorité. On ne dit pas que le haq il est toujours avec la majorité. Lakin, quand tu entends la parole du Jumhur Ahl al-Ilm, la grande partie des savants, alors là normalement, le croyant est tahayyab. Il est pris de frissons. C'est-à-dire, dans le fait de contredire la parole, de la plupart des savants. Ça va ? Ça veut dire que la personne, elle doit s'imaginer qu'elle est devant, par exemple, la fatwa de Cheikh Mala, Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymeen, Cheikh Mokbel, Cheikh Yahya, Cheikh Fulan, Cheikh Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Ça va ? وأن وراء ذلك الله عز وجل et que derrière toute cette mas'ala est Allah عز وجل تمام c'est pas une mas'ala de hawa c'est pas une mas'ala de passion ou la de non la personne elle s'efforce de suivre la voie juste elle s'efforce de suivre la voie juste c'est pourquoi moi-même aujourd'hui avec tout ce que j'ai lu sur la mas'ala sur cette mas'ala je ne vois pas que l'interdiction de la femme c'est une interdiction absolue mais au contraire si elle est avec un mahram que ce soit son frère, son mari ou son frère, son mari ou son père à la base ou son enfant non. Son enfant qui est pubère à la base mais c'est parce que tout ce que les ulémas ont craint pour elle, ou la grande majorité, avec la présence du mari ou la présence du mahram, ça s'éteint. Tamam ? Naam. Hadashi. Donc, la semaine dernière, on n'a pas dit que la femme, elle ne peut pas conduire absolument. Non. Mais on a dit que si c'est fait avec un mahram laha, ça la baisse. Voilà, Wallahu ta'ala. Ça, c'est l'avis de la majorité de ça non. Même... non. Non, non, non, non, non, non. Ça, c'est Ba'd al-Ulama. Et pour pas que je me trompe, je vais venir avec les noms plus précisément. Lakin, Jumhur Ahl al-Ilm, eux, ils sont sur le fait que c'est haram mutlaqan. Avec ou sans mahram. Avec ou sans mahram. Avec ou sans mahram, après, nous, on suit le délit. On suit le délit. Ce qu'ils vont évoquer, ou la grande majorité de ce qu'ils vont évoquer, on va voir qu'avec la présence du mahram, ça part. Tamam ? Avec la présence du mahram, ça part. C'est-à-dire qu'il y a un péché derrière, non ? Ça veut dire qu'il y a un péché derrière. Naam. Dans le sens où, celui qui voit le qawl, comme quoi la femme, elle n'a pas le droit de conduire, lakin yatruk ahla tasouq, lui, il va prendre un péché. Pourquoi? Parce qu'il suit la voie comme quoi c'est interdit. Et il laisse sa femme conduire. Tamam? Mais celui qui voit que c'est permis, il prend la parole de Sheikh Al-Jami, de Sheikh Al-Albani. En sachant que la parole de Sheikh Al-Albani, il est revenu lorsque ça a fait du bruit. Non, parce que Sheikh Al-Albani, il a beaucoup été éprouvé dans sa vie. Parce que c'était quelqu'un qui suit la sunna. Khalif. Fima nahsibu wallahu hasib. Quelqu'un de sincère. C'est-à-dire, il ne va pas faire une fatwa pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais il va faire la fatwa en fonction de ce qu'il a comme adillah. Même si devant lui, tu as des montagnes de ilm. C'est-à-dire qu'il a battu, il a tapé contre. C'est-à-dire, il a pas pris en compte la parole de tous les ulémas du pays où il était, à l'époque, et il a fait cette fatwa azim. Et les gens, ça a fait des redoutes pendant au moins une ou deux ans sur le kalam de Sheikh Al-Albani. Rad. Et au Mamlaka Al-Arabi, elles sont très polies. Ça veut dire qu'ils ne vont pas citer Sheikh Al-Albani, mais ils vont dire si un tel prétend que la femme peut conduire, alors ça engendre ça. Non. Ça veut dire quoi, Ahmed ? Le livre qu'il a fait n'est pas dans la absolue. Le livre qu'il a fait sur Allah Alam. Je ne sais pas, en tout cas, il y a un livre de l'imam Chatri sur cette masala, et lui, comme je vous ai dit, il voit que c'est interdit à la femme de conduire. Mais comme je vous ai dit, cette religion, elle ne se prend pas bil-ara, elle ne se prend pas avec les paroles des gens. Mais elle se prend bid-dali. Elle se prend bid-dali. Ça veut dire que là, aujourd'hui, s'ils ont interdit cela, c'est pour des règles. Comme on vous a dit, le fait de couper tout chemin qui mène à la fitna. C'est-à-dire, si maintenant, toi, tu sais que là, le chemin, il ne mène plus à une fitna, puisque le mahram, il est là. L'ikhtilat, il n'y aura pas d'ikhtilat. Il n'y aura pas de mixité dangereuse. Il n'y aura pas de... Si, par exemple, la femme, sa voiture, elle tombe en panne, ben, elle ne va pas se retrouver seule à seule avec un homme ou obligée de... Non. Pourquoi ? Parce que son mahram, il est avec elle. Donc lorsqu'on voit que, avec la présence du mahram, la plupart de leurs preuves, elles sont vacillantes, on dit que, yani, c'est pas une interdiction absolue, Mais ce n'est pas une permission absolue. Ça va ? J'espère que ça aurait été clair. En tout cas, là, je vais évoquer les paroles de ceux qui disent, comme on m'avait demandé dans la question, d'évoquer pourquoi on a dit que la vie le plus juste, c'était le tahrim. C'était haram. طيب قال بعض العلماء من أدلة تحريم قيادة المرأة للسيارة قوله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. pour commencer le verset d'Allah سبحانه وتعالى où Allah سبحانه وتعالى dit mais restez dans vos demeures, c'est-à-dire Allah سبحانه وتعالى il parle à qui là dans ce verset? Aux femmes du prophète عليه الصلاة والسلام qui sont les meilleures des femmes et qui sont l'exemple à suivre pour toute femme qui aspire à la piété. L'insan, il doit être sincère envers lui-même. S'il veut le haq, s'il veut le haq et qu'il fait partie des hommes, il se doit de suivre la voie des plus prédécesseurs, la reine. Et s'il veut la vérité, si elle veut la vérité, elle fait partie des femmes, elle se doit de suivre la voie des meilleures femmes que l'univers n'ait jamais vu marcher sur la terre. Ce sont les femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses filles. Donc, ces femmes-là, elles ont été ordonnées de rester dans leur demeure. Et lorsqu'on dit rester dans leur demeure, certaines femmes, surtout à notre époque, elles peuvent prendre cette parole comme un retour en arrière de l'arriérisme par rapport du point de vue de la femme. Alors que c'est pas vrai. Comment je viens de vous dire la qa'ida qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne légifère pas une chose, si ce n'est que c'est un bien pur et simple, ou si ce n'est que le bien dans cette chose, il est meilleur que le mal. Et la femme, c'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée faible. Elle est faible. Tant dans sa corpulence, tant dans son raisonnement. Elle oublie beaucoup. Sa grande faiblesse dans sa raison, c'est qu'elle oublie. Elle oublie beaucoup. Que tant dans sa religion. C'est-à-dire ces trois choses-là, elle est faible dans sa corpulence, elle est faible dans sa raison, et elle est faible dans sa religion. Quand je dis elle est faible dans sa religion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où elle ne peut pas prier à cause de ses menstrues, à cause des règles, ou à cause des logis, ou autre. Ça, c'est des moments où elle coupe son lien avec son Seigneur. تعلمون الذي ما يصلي من الرجال في فترة من الزمان يضعف إيمانه. Sa foi elle descend, elle diminue. نعم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم avait expliqué dans un hadith que la déficience de la raison de la femme vient de son oubli, ainsi que la déficience de sa religion vient de sa période de menstrue. نعم. Donc Allah سبحانه وتعالى il a légiféré pour la femme qu'elle reste dans sa demeure. Et c'est pourquoi aussi, en contrepartie, il a fermement enjoint les hommes à faire preuve d'excellence. Là, on ne parle pas de bonté, mais on parle d'excellence avec leur femme lorsque celle-ci se retrouve dans leur maison. Non. À faire preuve d'excellence. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خير لأهله. Hadith Jamil, Ziddan. Le meilleur d'entre vous n'est autre que le meilleur avec son épouse. Et je suis le meilleur parmi vous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré à la femme qu'elle reste dans sa maison. C'est quoi le lien entre ça et la voiture? قالوا حيث دلت الآية الكريمة على وجوب لزوم المرأة المسلمة بيتها. Donc le verset, il montre comme quoi il est obligatoire à la femme de rester dans sa maison, وَعَدَمْ خُرُوجِهَا مِنْهُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ, et qu'elle ne doit pas sortir de sa maison si ce n'est pour un besoin. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas sortir sans besoin. وَقِيَادَةُ الْمَرْأَةِ لِسَيَّارَةِ ذَرِيعَةٌ إِلَى خُرُوجِهَا بِكَثْرَةٍ لِلْحَاجَةِ وَغَيْرِ الْحَاجَةِ. Et le fait que la femme ait une voiture, c'est un wasila, c'est une chose qui va la pousser à sortir plus souvent qu'elle ait un besoin ou non. Ça va ? Qu'elle ait un besoin ou non. Tamam. Wa hada malmous. Et ça c'est une chose qui est fi'lan. Si tu prends un homme qui vient d'avoir le permis. Qui vient d'avoir le permis de conduire, qu'est-ce qu'il veut faire ? Conduire. Ah ouais. Celui qui vient et dit celle qui prétend que non, ça ne va pas la pousser à multiplier la sortie, ça crème. Mais en tout cas, il se peut que ça ne la pousse pas elle. Mais en tout cas, la plupart du temps, c'est une chose qui pousse à sortir, à multiplier la sortie. Non. C'est une chose qui pousse à multiplier la sortie. Bon, comme je vous ai dit, ça c'est une mas'ala, et comme toutes les mas'alas de din, on ne doit pas prendre avec quoi que ce soit de passion, mais on doit prendre avec l'œil de la justice. On doit prendre avec l'œil de la justice. Ouais. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ils ont dit aussi dans la parole, fi qawlihi ta'ala, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Et si vous leur demandez un quelconque bien, ou une quelconque chose, c'est-à-dire si vous demandez aux femmes du prophète alayhi salatu wassalam, un quelconque bien et une quelconque chose, alors demandez-leur derrière un hijab. Demandez-leur derrière un voile. C'est quoi le lien de ce verset avec notre mas'ala Ali? Si elles tombent en panne en voiture, il y aura un fil hijab. De 1. Tamam. Belle. Même si elle ne tombe pas en panne, quand elle conduit, elle est obligée d'enlever son hijab shari pour celui qui voit la vie que la femme a dans son visage. C'est-à-dire qu'elle va être obligée d'enlever son sitar. Tamam. حيث دلت الآية الكريمة على احتجاب النساء عن الرجال ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء وقيادة المرأة للسيارة يعرضها للإخلال في ذلك. Donc le fait que la femme prenne une voiture, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne faut pas leur demander une chose derrière un hijab. Tu vois, ça c'est une chose. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà elle va être obligée d'enlever son sitar. De un. Deuxièmement, elle peut dire, ouais, comme on va le voir aussi, le fait qu'elle va parler avec des hommes étrangers. Ça veut dire la femme, elle peut dire, ouais, mais non, mais moi, non, je ne vais pas parler avec des hommes étrangers. Moi, yani, ma'atakallam wa la biché. Taïb, là, ça, c'est une mas'ala pour umoum al-nas. Là, on ne parle pas d'une personne en particulier. Peut-être que cette personne-là, elle arrive à finir. Wallahu ma barak, nasallallahu alayhi wa sallam. Lakin, si on parle d'une manière globale, la femme, elle arrive à la station essence maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre de l'essence, elle va parler à l'homme de la station essence, voilà là. Antum ma'i, voilà là. Elle va parler, mais là, c'est. Non, si elle doit changer un pneu, ou là, si elle doit faire une quelconque mu'amala de ce sens-là. C'est plus simple, c'est à Sharta. Ouais, la Sharta, il va l'évoquer aussi. Bon, ouais, non, pareil. Ils vont l'évoquer. Il va l'évoquer ça, en parlant de la police aussi, Kadar. Non. Donc dans tous les cas, ce sont des méfaits qui dans 90% des cas sont susceptibles d'arriver. Tamam. Wa qawluhu kadhalik. Qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qul ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Et donc ça, c'est le verset concernant vraiment le jilbab, c'est-à-dire celui qui concerne le visage. C'est ce dalil-là que les savants ont pris pour obliger la femme à cacher son visage. Non. Donc, et pour celle qui est de l'avis de Cheikh al-Albani, comme quoi la femme, elle peut montrer son visage. Awalan, comme je vous dis, c'est des masaïls qui sont khilafiyyah. C'est des masaïls où les gens, les ulema, ils ont pris des positions qui sont fortes. Tamam. Mais toi, tu te dois de suivre le dalil. Tu te dois de suivre le dalil et pas les gens. L'imam Nasruddin al-Albani, il te dit, il n'a pas asta bihadi li fatwa, si ce n'est qu'il l'a lié à Adam al-Fitna. Il l'a lié à Adam al-Fitna. Il a bien dit, c'est-à-dire, la femme, elle peut découvrir son visage si toutefois il n'y a pas de fitna. C'est une foi, il n'y a pas de fitna. Mais il a bien précisé que dans notre époque, c'est très difficile de trouver des endroits qui sont dépourvus de fitna. Et toutes ces femmes étaient mustatira. Toutes les femmes du shir portaient le niqab. Donc on revient là pour dire que comme quoi le fait que la femme elle conduise, ça va l'emmener à enlever son sitar. Ça y est. Elle va enlever son sitar, c'est-à-dire que ce soit pour voir son chemin, là où elle va, et aussi une chose, et encore plus importante, c'est qu'elle va être obligée de faire des photos. Elle va être obligée de faire des photos. Et la photo, la photo de la femme, déjà de un, c'est une fitna. Soit elle va faire ça chez un photographe, ou soit au photomaton, après la photo, elle va passer dans les mains d'un homme, qui va la voir. Alors c'est là, on ne parle même plus de visage, là, ça va être même sans gilbab, sans rien, elle va voir son cou, peut-être une partie de ses cheveux. Ça c'est une khata. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont permis les photos qui sont en guise de contrainte. Tu veux sortir du bilad, tu ne peux pas sortir du pays, si ce n'est avec une carte d'identité. Voyez, Hona, ils ont dit que le péché, il est sur celui qui n'est pas contraint. Mais là, le péché, il est sur qui? Le péché de la photo, il est sur qui? فالناس لابد أن نعقل أن غدا يوم القيامة أن غدا ما في لعب غدا مسؤولية كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته vous êtes tous des bergers et demain vous serez tous responsables de ce que vous avez de ce dont vous avez la garde. L'homme c'est le berger de sa maison. Cette photo là, soit il est responsable, ou soit c'est sa femme qui est responsable. Non. Lakin, An-Nabi sallam yaqul, kull musawwirin fi an-nar. Toute personne qui fait des photos, il est fi an-nar. Deuxièmement, il dit, on va demander à celui qui a pris une photo de lui insuffler la vie. Wa laysa bin nafi'. Alors qu'il n'aura aucune force pour insuffler la vie. ولنا رسالة نافعة في تحريم الصور. هنا رسالة هي سقطي دار الإسلام sur le تحريم الصور sur l'interdiction des images. Celui qui l'a vu, inshallah, نعطيه مجانا. نعم. نعطيه لله عز وجل ويستفيد. Parce que ça c'est un fléau. Les images de notre époque c'est un fléau. Donc ça c'est vraiment une chose que même le hadith peut contredire. Que c'est pas une daroura. C'est pas une darura que la femme elle prenne une carte ou un permis de conduire et elle fasse sa photo. Ça va? Donc ça fait partie des plus grandes choses sur lesquelles les savants ils ont appuyé pour affirmer que la femme c'est haram. Mais là, dans ce cas-là, on dirait quoi? On dirait que c'est le permis qui est haram. Vous avez compris? On dirait que c'est le permis qui est haram. C'est pourquoi je suis revenu moi toujours sur la parole comme quoi elle peut conduire. Ça va? Elle peut conduire avec la présence de son mahram. Quand je dis elle peut conduire à la présence de son mahram, ça ne veut pas dire que je dis qu'elle peut aller faire le permis de conduire. Non. Soit elle avait le permis avant qu'elle fasse l'interdiction des photos, ou la baisse. Baden qu'elle roule avec son père ou sa mère, ou son père et son frère ou un de ses mahrams. Ou soit, maintenant, elle sait conduire et elle n'a pas de permis. Non. Ça va? À la kulli hal, هذا هو دونك هذا خطر عظيم جدا اي aussi la personne نعم وكذلك اي نعم كذلك ça c'est صحيح dans ce genre de pays dans lequel on est où beaucoup de femmes pieuses ont été contraints d'enlever le sitar, et qu'Allah il leur pardonne. sallallahu an yaghfira lahunna. Ouais, ça c'est leur ijtihad, c'est-à-dire c'est leur effort. Peut-être c'était trop dur pour elles de tenir, mais sallallahu an yaghfira lahunna. Sallallahu an yaghfira lahunna. Et qu'Allah la pardonne. Lakin, comme a dit notre frère Abu Ibrahim, dans ce genre de pays-là, les policiers sont encore plus durs lorsqu'ils trouvent une femme seule, c'est-à-dire surtout sur la route, dans sa voiture ou quoi, et ils essayent de tout faire pour la rabaisser. Ça veut dire que même avec son jilbab, il se peut même qu'il était dans son jilbab, shahada al-kalam. Alors, surtout la garde à vue. فلهذا في مثل هذه الأشياء يعني صراحة c'est presque bien. Quand tu lis les paroles des ulama, ترى أن الأمر بين واضح. Celui qui vient, même, et pour vous dire aussi, que même Cheikh Al-Albani, dans cette mas'ala même, il a dit toutefois, s'il y a quelconque mafasid, par exemple, si on craint que la femme elle sorte plus, et que elle aille dans des endroits de mixité. Et les audios, ils sont manchour sur le net. Elle aille dans des endroits de mixité ou quoi. Alors, à partir de là, on interdit la conduite aux femmes qui ont ce genre de caractéristiques. Ça va ? C'est-à-dire que même lui, il a senti que Fir'nan, il y avait quand même un danger. Il y avait quand même un danger. Donc ensuite, parmi et aussi ce qu'il évoque aussi le shir, comme on a dit, c'est les paroles de l'imam Shafri, un des imams de la mosquée du Haram. Il dit aussi que si le hijab il est parti, bah, attends-toi à ce que les regards vers la femme soient encore plus concentrés. Et ça doit mettre de la jalousie encore plus au mari de cette épouse, si toutefois elle est mariée. Donc ça c'était le troisième délit. Quatrième, قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Et qu'elles ne tapent pas avec leurs pieds afin que l'on sache ce qu'elles cachent comme enjolivement, comme parure. Donc là, c'est quoi le lien de cette parole avec la mas'ala de Zakaria? C'est quoi le lien de ce verset avec la mas'ala? Qu'elles ne frappent pas leurs jambes, qu'elles ne frappent pas leurs jambes, afin que l'on sache ce qu'elles cachent comme parure. Si elle sort avec une grosse voiture, non. Le but visé là, c'est quoi? Comme il dit, حيث دلت الآية الكريمة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام للرجال الأجانب لأن صوتها أقرب من الفتنة من صوت الخلخال. الله سبحانه وتعالى il a interdit qu'elle fasse du bruit avec ses jambes lorsqu'elle a sur les jambes des bijoux. Tamam. Pourquoi cela? Parce que ça peut exciter les désirs de n'importe qui dans la rue. Tamam. Et les savants, ils ont dit, et donc par raisonnement, d'une façon encore plus claire, le fait qu'elle parle. Si elle parle, c'est encore plus, ça appelle plus à la fitna que d'entendre les bruits de sa parure, de ses parures. Ça va? Et donc le fait qu'elle parle, lorsqu'elle prend sa voiture, c'est forcément, elle va être amenée un jour comme un autre, à avoir une discussion avec un homme étranger. Comme on a dit, soit dans le à la station d'essence, soit ailleurs. Et comme je vous ai dit, tous ces dalils-là qu'ils ont ramenés, si y a un mahram, tazur. Si y a un mahram, tazur. Donc je ne vois pas pourquoi on va dire que la femme, elle ne peut pas conduire d'une manière absolue si toutefois toutes ces illas, elles sautent. Il y a juste une illa qui n'a pas sauté jusque-là, c'est le fait du permis de conduire. La photo sur le permis de conduire. C'est-à-dire que même si elle est mahram, la photo, elle y sera quand même, tu vois. À la kulli hal, ce qui concerne le fait qu'elle conduise et pas le permis, parce qu'il y a le permis et le fait qu'elle conduise, ça c'est deux choses différentes. Ça va ? Non, non, non, non, ouais, même l'examen, c'est vrai. Même l'examen, il peut y avoir du d'irtilat, Hassan et Abba Idriss. طيب على كل حال خامسا قوله تعالى ولا يعصينك في معروف هذه الفائدة خذوها ولا يعصينك في المعروف أو في معروف et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit et qu'elle ne te désobéisse pas dans un bien dans le bien qu'est-ce que ça signifie قالوا ومما قاله السلف في معنى هذه الآية قال سعيد بن المسيب ومحمد بن السائب وغيرهما ولا يحدثنا الرجال إلا ذا محرم. Et dans ce verset là il y a le fait que il n'est pas permis à la femme, c'est-à-dire le sens du verset c'est qu'il n'est pas permis à la femme de parler aux hommes étrangers. Voilà les فائدة. Quand on dit il ne lui est pas permis de parler aux hommes étrangers, c'est-à-dire بغير حاجة ولا ضرورة, sans qu'il n'y ait un quelconque besoin, sans qu'il n'y ait une quelconque darura. Tamam. Ou là, فكانت النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم. Et parce que au temps du prophète صلى الله عليه وسلم, il y avait des femmes qui venaient lui demander, qui venaient lui poser des questions. Et qui arrivaient même à avoir des discussions avec d'autres compagnons. Lakin, si cela n'est pas fait dans les règles ou dans la limitation légiférée, alors ça rentre dans ce hadith, dans la compréhension de ce verset. Tamam. Sixième dalil, قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé dans ce verset, il a ordonné le prophète sallam de dire aux croyantes qu'elles baissent leur regard, qu'elles baissent leur regard et qu'elles protègent leur partie intime. Donc il dit que le verset il indique l'obligation à la femme de baisser le regard. Déjà, l'obligation de la femme, que la femme elle baisse le regard devant un homme, ça c'est mutafakun alayh. La femme elle a le droit de regarder l'homme, un homme étranger ou pas? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Le premier regard, non, non, on ne parle pas du premier regard, on parle du regard tangible. Ah, mais ça, c'est si on l'utilise pour le fait qu'elle conduise, forcément, on va regarder les autres, tu vois. Oui, oui. Oui, non. C'est pourquoi ils ont dit que c'est interdit. Mais est-ce qu'à la base, est-ce que la femme, elle a le droit de regarder un homme étranger? Les amis saints. Non. Ah, c'est ça que tu voulais dire? Non. Ça veut dire quoi chez toi, Ismaïl? En gros, il n'y a rien. Mais ça veut dire quoi? C'est permis, oh là là? C'est permis, c'est permis. Ça veut dire que c'est permis et que la femme regarde un homme étranger? S'il n'y a pas de. S'il n'y a pas de. De shahwa ou de. Mais d'où le shahwa? Ahsan, c'est le zarro. Hada, c'est une kalam? C'est une parole? Parmi les paroles? Des fuqaha, certains fuqaha, en fait cette masala, pourquoi je vous dis ça, c'est que c'est pas une masala ijma'iyya. C'est pas une masala où il y a un ijma'. Est-ce que la femme elle a le droit de regarder l'homme ou pas? C'est pas une masala où il y a un ijma'. Certains savants, ils ont dit comme a dit Ismaïl, comme quoi, si c'est un regard sans shahwa, falabas. وَهَذَا غَلَطٌ فَاحِشٌ. Et ça, c'est une grande erreur. Une grande erreur. Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لِلْمُؤْمِنَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants qu'elles baissent le regard. هَذَا وَاحِد. ثَانِيًا, النَّبِي صلى الله عليه وسلم لما كان بحضور ذات الأعمى عبد الله بن أم مكتوم, lorsqu'il était en présence d'Abdallah ibn Umm Maktoum, Aïcha wa Hafsa atata, elles sont venues et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, baissez le regard. Et elles ont dit, mais on va le baisser le regard, on va se cacher d'un homme qui est aveugle, ya Rasulallah. Qala awa amniyan, est-ce que vous êtes aveugle, vous deux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à ses deux épouses, est-ce que, si lui il est aveugle, c'est une chose, mais est-ce que vous deux vous êtes aveugle? Vous pouvez le voir, oui ou non? هذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من رؤيتهن لهذا الرجل الكبير الأعمى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a interdit formellement de regarder cet homme qui était vieux et aveugle. فما بال بغيره. Alors qu'est-ce qu'il en serait pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on fait du hadith qu'il a ramené Ismaël, comme quoi Aïcha regardait le défilé? Non. Wadjahu le hadith. Wadjahu le hadith. C'était un jour de Eid. Oui, c'était le jour de Eid, ça. Lakin ils ont wadjah le hadith comme quoi kanat saghira. Qu'elle était vraiment très petite. Tu vois? Aïcha, et qu'il n'y a rien qui montre dans le hadith qu'elle fixait les hommes et non leur jeu à la lance. Alors, parce qu'il y avait une distance entre elle et eux, tu vois. À la kulli hal, c'est par rapport à ce hadith qu'a évoqué Ismaïl, c'est celui que tu viens de m'évoquer, là, que les savants ils ont divergé sur cette masala. Donc c'est pas une masala ijma' où il y a un ijma'. C'est une masala khilafiyya. Laquelle, le khilaf, ça c'est un khilaf où il n'y a même pas à vraiment hésiter. T'as la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, t'as la parole du prophète alayhi salatu wa salam, t'as les qawa'id al-shar'iyya qui disent que saddal lidzari'a ila al-fitna. Le fait de regarder une femme, même si il n'y a pas de shahwa au début, qad yakun ba'da dhalik al shahwa. D'ailleurs, celui qui fait une khitba, celui qui fait une demande en mariage, tamam? Que, surtout en France, Allah al-Musta'an, quand tu as un khitab, t'as lorsque tu entends les muqabala, comme ils appellent ça, tu t'étonnes. Muqabala de 1h50, muqabala de 2h, muqabala de 3h. Kulla hada haram. Kulla hada haram. Parce que la khitba, elle est faite juste pour le nazar. Elle est faite juste pour regarder, c'est tout. Normalement, il n'y a pas de question. Normalement, il n'y a pas de question. La personne, elle voit la personne qui l'intéresse. Wa khalas. Salam alaykoum. Tamam. Si il y a une question là-bas, ça dit. S'il y a une question ou deux là-bas, ça dit. Lakin, le asl de la khitba, c'est le regard. C'est le regard. Tamam. Et taïe. Et même ce regard-là. Ce regard-là, une fois qu'il y a de la chahwa qui rentre dedans, il est haram. C'est-à-dire la personne, elle ne peut pas rester tadoum, tandur. Ah, kada, oui. Il existe tout le temps. Ça n'a pas aimé. Non. Mais une fois qu'il sent que ça y est, il a vu tout ce qu'il avait à voir, khala. Ghalla khalbab, oui, m'si. Ça va? A la kulli hal, hada wa. Donc, il manque quoi? طيب وقوله اسوسي دليل في فوتي قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait des hommes a fait que les hommes soient prédominants sur les femmes en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés. Et en fonction de ce qu'il dépense, et en fonction de ce qu'il dépense pour la femme. Tamam. mais en fonction de ce qu'il dépense. طيب قال وقيادة المرأة للسيارة سبب لإضعاف قوامة ولي الولي عليها. Et le fait que la femme elle conduit, c'est une cause qui va affaiblir l'autorité du wali ou la prédominance du wali sur elle. إذ أن المرأة إذا قادت السيارة وقضت حوائجها بنفسها قلت حاجتها لوليها من أب أو زوج أو أخ الذي يقوم على شأنها. Parce que la femme, dans une toute logique, si elle conduit régulièrement, elle va être amenée à accomplir ses affaires toute seule. À accomplir ses affaires toute seule. C'est-à-dire, si elle a besoin d'acheter un truc, elle va aller, elle va l'acheter, normal. Elle va se passer de l'aide et de la présence de son wali. Or, la femme, elle musulmane, elle n'a pas été créée comme ça. Elle n'a pas été créée pour ça. La femme, elle musulmane, celle qui obéit à Allah Azza wa Jal wa Tuti'a, قال الله الرجال قوامون على النساء. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, les hommes sont prédominants sur les femmes. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont dit, prédominant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui l'empêche de sortir, c'est lui qui lui permet de sortir, c'est lui qui l'aide à faire ses courses, c'est lui qui l'abrite, c'est lui qui fait toutes les chouhounes, yani extérieures à la maison. Toutes les tâches qui sont extérieures à la maison, c'est l'homme qui s'en occupe. Donc avec le fait que la femme elle conduise, tout ça peut amener à cela. ومن الأحاديث لو نتمنى بك لآية ومن الأحاديث عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. La femme est une عورة et lorsqu'elle sort alors الشيطان la recherche. Lorsqu'elle sort, alors Shaitan la recherche. وَأَقْرَبْ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. Et l'endroit où le moment où elle est le plus proche de son Seigneur, c'est quand elle est au milieu de sa maison. Quand elle est au fin fond de sa maison. Quand elle est au fin fond de sa maison. وَلِهَذَا comme on va voir dans un hadith, Inch'Allah, demain, le meilleur endroit. Yani le fait que la femme, elle prie dans sa maison, c'est meilleur qu'elle prie dans la mosquée. Vous voyez? Le fait qu'elle prie dans sa cour, non, vous voyez? Le fait qu'elle prie dans sa cour, c'est meilleur qu'elle prie dans la mosquée. La cour de sa maison, si elle a une cour. Le fait qu'elle prie ensuite dans sa maison, c'est meilleur qu'elle prie dans sa cour. Le fait qu'elle prie dans sa chambre, c'est meilleur que... qu'elle prie dans sa maison, et le fait qu'elle prie dans son hujr, c'est un coin de sa chambre, c'est meilleur pour elle qu'elle prie dans sa chambre. Ça veut dire plus la femme elle est mastour, plus cela est meilleur pour elle. Et en vérité c'est pas une mashaqqa, parce que certaines femmes parmi les femmes mécréantes, elles profèrent sur l'islam des immondités par rapport à ce genre de ahkam. Elles disent comment la femme elle a besoin de sortir, la femme elle a besoin de ceci, la femme. Nous on ne dit pas que la femme doit rester enfermée dans sa maison. Lakin, on dit que le fait qu'elle reste dans sa maison, c'est meilleur pour elle. Et qu'elle passe la plus grande partie de son temps et de sa vie dans sa maison, c'est meilleur pour elle. Et ceci n'est pas difficile pour une femme qui est croyante. Et ceci n'est pas difficile pour une femme qui croit en Allah Azza wa Jal et qui craint Allah Azza wa Jal. Ou illa, qad marrat bina min tamarat al-tawhid. Et on a vu dans Kitab Tawhid, pour ceux qui étudient avec moi, on a vu parmi les fruits du Tawhid, annahu yuhabbib ila al-mar' fi'l al-ta'at. Le Tawhid, parmi les causes du Tawhid, le fait que il fait descendre dans l'amour, il fait descendre dans le cœur de la personne l'amour des bonnes œuvres. Et il lui facilite le fait de faire des bonnes œuvres et le fait de délaisser les mauvaises œuvres. سينا كم من النساء كم من النساء قبل أن يسلمنا ويستقيمنا ما كانت تستطيع تصبر في بيتها يعني ساعة سينا كم ينفهم avant peut-être que elle se mette dans le droit chemin de l'islam ou avant qu'elle connaisse la religion de l'islam ne pouvait pas patienter dans une maison à quatre murs plus d'une heure. فبعد أن عرفت الإسلام تجلس أي أبتك لكون الإسلام على حقيقة تجلس في بيتها وهي مشرفة محترمة عزيزة النفس elle peut rester dans sa maison pendant des semaines et des semaines elle est عزيزة honorable et fière بدون حاجة إلى قيل وقال وكثرة الخروج والدخول وها نعم طيب ensuite Donc, avec ce hadith-là, il dit « Qiyadat al-mar'a al-siyara se stad'i kashf al-wajj wal-yadayn minha » Parmi les choses aussi que la femme elle va être obligée de montrer devant peut-être des hommes étrangers, le fait qu'elle va montrer ses mains. Et ça aussi, ça n'est pas permis. C'est-à-dire que ce soit à la station essence, que ce soit pour laver la voiture, le lavage de la voiture ou autre, نعم و كم هذه نقطة عبد الرحمن عند نقطة التفتيش لوقت اللي هي point control un barrage ou quoi un contrôle de la police نعم ça c'est quelque chose que personne ne peut éviter c'est-à-dire la femme qui dit non moi je peux conduire et tout ce qui est évoqué là dans ce tous ces si là qui sont évoqués dans ces paroles moi je peux les éviter Fadamo, c'est pas une parole qui est véridique. Aslan wa fasla. Fa'ala laqal, ce qu'on peut dire au minimum de ce qu'on vient d'évoquer, c'est que la femme, si elle conduit et qu'elle est avec son mahram, fala bas. Et là, voilà, vous avez compris maintenant pourquoi je dis que le fait que si elle conduit avec son mahram, la bas. Ça va? Parce que toutes ces interdictions, elles ne sont pas venues sur le fait qu'elles tournent le volant. Il n'y a que certains savants qui voient en cela du tashabbuh bil-rijal. Non. Et parmi eux, Cheikh Yahya, Cheikh Muqbil, et d'autres. كذلك Cheikh Chatri, يرى أنه تشبه بالرجال. Il voit que c'est tashabbuh bil-rijal. Ça veut dire qu'il voit par exemple si c'est une propriété immense, et sa femme ne peut même pas conduire la voiture. Oui, c'est pour ça quand on était au Yémen, en tout cas, ma kuntu araha, annaha tastati' tasuq. Au Yémen, je ne voyais pas que la femme, en tout cas, on a appris comme quoi c'est mamnou' pour elle qu'elle conduise. Jumlatan wa tafsila. Jumlatan wa tafsila. Lakin. Eux, ils voient que c'est du tachabou bil-koufar. Bil-rijal, afouan. Non. Et aussi, ils disent tachabou bil-koufar. Ils disent parce que c'est eux qui sont venus avec ça, à la base. Les premières conventions, les premières lois comme quoi qui permettent à la femme de conduire, c'est en termes de coffre. Summa ba'alain, jaas fi bilad l'islam. Ça va? Donc c'est du tachabou chez ces personnes-là, du tachabou bil-kuffar, ainsi que du tachabou bil-rijal. Ça va? la chose qui me fait dire que Allah alam hal, est-ce que c'est vraiment du tachabou bil-rijal ou du tachabou bil-kuffar, que c'est vraiment une chose déjà qui est muntashira fi douel al-muslimin. Que la femme elle conduise, c'est une chose qui est propagée dans énormément de pays musulmans. Et comme on l'avait vu dans la masala du Shabou Bil-Kuffar, certains savants ils disaient que par rapport au pantalon, du moment qu'il est devenu répandu en terre d'islam, c'est-à-dire au début c'était du Shabou Bil-Kuffar, mais maintenant au jour d'aujourd'hui c'est plus du Shabou Bil-Kuffar. Non. ومنهم العلامة العثيمين على ذلك الشيخ العثيمين إلى شيخ سرا دونك لو بانطالون سي بيرمي او سي با بيرمي يا سي بيان Le pantalon que tu connais, les jeans, il est permis, il n'est pas permis. Il n'est pas permis, pourquoi? Si on dit que c'est pas du tachabou, parce que la plupart des savants, ils disent que c'est du tachabou, bilkoufa. Mais si on viendrait à dire que c'est pas du tachabou, bilkoufa, il serait haram, pourquoi? Parce qu'il montre la aura. Parce qu'il montre, Hassan, parce qu'il montre la aura. Et qui descend en général en bas de la cheville. Non. Ça y est, qu'est-ce qui restait encore avant qu'on termine cette date? Non. Non, parmi les choses aussi qu'ils ont évoquées, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-haya min al-iman. La foi fait partie, la pudeur fait partie de la foi. Ça veut dire que la femme qui va multiplier les sorties en voiture, elle va faire preuve de moins en moins de foi, de moins en moins de pudeur que celle qui sort pas. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'Adal. C'est, si tu vas, on va dire, 90% des cas, tu vas voir que c'est comme ça. Ça veut dire qu'elle peut se permettre même de crier, de klaxonner, de ceci, de cela, oh là, là. Pourquoi? Parce qu'elle a pris l'habitude. Tandis qu'avant, c'est peut-être stérile qu'elle fasse entendre ne serait-ce qu'un gémissement. Vous voyez? Donc ça, c'est, on a évoqué les dalils du kitab de la sunna. Après, tu as la qa'ida dar al-mafasid, le fait de repousser tout méfait, qui est une qa'ida shari'a mabniya al kitab al-sunna, et dont l'ijma' des salaf, il est sur l'authenticité de cette qa'ida. Au cas d'un cas, parmi les qawa'id, celles qu'on a évoquées dans le verset précédent, faddat dari'a ila al-fitan ou al-mafasid, le fait de couper le chemin vers le mafsada. Tout ça, c'est des qawa'id parmi les qawa'id de la religion qui sont. Non, mais si la femme connaît ça, elle doit être le long des murs sur le trottoir. Naam. Et en voiture. Naam. Le fait que la femme elle a été ordonnée de laisser le passage aux hommes lorsqu'elle vient à rencontrer des hommes dans un passage, elle se doit de laisser le passage aux hommes. Donc avec la voiture, c'est très difficile. Non. Après, pour voir est-ce que ce hadith-là, il n'est pas plus à prendre dans une chose en ce qui concerne le passage à pied, parce que ça peut en tout cas. Puis, Maka, faut voir qu'est-ce qu'ils ont dit les savants sur ce hadith. Et aussi parmi les grandes qawa'id, parmi lesquelles ils se sont appuyés, le fait que le fait d'œuvrer avec les urf, le fait d'œuvrer avec les mœurs du pays. Dans un pays comme l'Arabie Saoudite, c'était pas connu. Que la femme, elle conduit. Un pays comme le Yémen, c'est pas connu que la femme, elle conduit. Un pays, tous ces pays-là, tous les pays d'Islam, en général, là-bas, c'est que la femme, elle conduit pas. Ça va? Et le fait d'œuvrer avec les coutumes du pays, c'est une qa'ida, une qawa'id din. Ça fait partie des qawa'id. Du moment que cette coutume, elle ne contredit pas le kitab et la sunna. Ça va? Et ensuite, le shir, il a évoqué aussi, que ça peut être, c'est très dangereux pour la femme parce qu'elle peut se retrouver kidnappée. Elle peut se retrouver, on peut lui voler sa voiture et faire avec elle yani beaucoup d'immondité ou beaucoup de choses. Et ça, il n'y a pas une personne qui peut dire non, moi je suis préservé ça. Non, on est dans un monde fi fitan. On est dans un monde fi yani ashrar. On est dans un monde où il y a vraiment beaucoup de mal. Non. Après, il rajoute aussi c'est une fitna. La femme, c'est une fitna pour les rijal am, pour les gens qui font la circulation, les policiers qui font la circulation. Et là, le shir parle de hal en Arabie Saoudite. Il parle de la circulation, ceux qui font la circulation en Arabie Saoudite, qui peuvent être amenés à être tentés par des jeunes filles. Et puis il voit son visage, il parle un peu, il y a un échange, tac, tac, etc. Non, ça c'est pas, ça, ça vaut pas la peine qu'on dise de cette les dari'a. Tout ce qu'on vient d'évoquer là. Tout ce qu'on vient d'évoquer là, c'est pas à prendre à la. C'est pas des choses qui poussent la personne à faire attention. Ou à quel léger, ou au minimum, en tout cas, de respecter l'avis de ceux qui disent que c'est haram. Parce que fi'lan, ikhwa, ja'u bil ayat, ja'u bil ahadith, ja'u bil qawa'id, ja'u bil akhtar wal adrar kulla. Ils sont venus avec les ahadith du Coran, les versets du Coran, les ahadith de la sunna sahiha. Ils sont venus avec les règles de usul al-fiqh. Ils sont venus avec aussi les torts et les méfaits constatés. Les accidents. Combien il y a d'accidents où il y a des femmes. Tu vois, tout ça, c'est des choses qu'ils ont pris en compte pour faire cette fatwa. Comme quoi, la femme, elle ne doit pas conduire. Donc, en résumé, c'est ça, c'est ce genre de choses-là qui nous ont fait dire que la femme, la vie le plus juste dans cette mas'ala, ce n'est pas la vie de Cheikh Al-Albani, mais c'est bel et bien la vie des autres savants comme Cheikh Al-Uthaymeen ou Cheikh Ibn Baz, qui dit que la femme, ça lui est interdit de conduire par rapport à ses méfaits qu'on vient d'évoquer. Toutefois, si la femme, elle vient à conduire avec un mahram, vous allez voir que la totalité de ses méfaits, ils vont sauter. La totalité de ses méfaits, ils vont sauter. Donc, il y a une autre qaïda qui dit le jugement, il tourne avec sa cause. Si la cause, elle est là, alors le jugement, il est là. Si la cause, elle est partie, alors le jugement est pas. Ça va? Donc, c'est pour cette chose-là qu'on a dit que la femme, le mieux, c'est que elle conduise avec son mahram. وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك على المعذرة على الإطالة ونبي بخميك ونبي تقوك لكن قدر الله وما